Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire J. Edgar Hoover, le maître incontesté du FBI. There is nothing mysterious about the manner in which the Federal Bureau of Investigation works. Its formula is a simple one. Intensive training, carefully investigated and highly efficient personnel, plus rigid requirements in regard to conduct, intelligence and integrity. Le directeur du FBI, J. Edgar Hoover, dans un documentaire sur la police fédérale américaine réalisé en 1936, Hoover qui affirme dans cet extrait que c'est la qualité de la formation, du personnel et des méthodes d'enquête qui constituent les principaux ingrédients faisant partie de la recette assurant le succès du FBI. Edgar Hoover sera à la tête du FBI pendant 48 ans jusqu'à sa mort en 1972. Et s'il cesse d'être directeur du FBI le 2 mai 1972, c'est-à-dire en fait 48 ans après avoir été nommé, ça n'est pas parce qu'il démissionne, ça n'est pas parce qu'on le renvoie, c'est parce qu'il meurt la nuit pendant son sommeil. Autrement dit, nommé en 1924, Hoover est resté directeur à vie pendant un demi-siècle, et a ainsi accumulé les pouvoirs, a donné à l'ensemble de la nation l'idée qu'il était indispensable, irremplaçable, qu'on pouvait songer à un changement, mais que si on faisait ce changement, ce serait une catastrophe nationale. Ce qui fait que petit à petit, il devient un personnage si important qu'aucun président des États-Unis ne va oser le renvoyer. L'historien André Caspi à l'émission « L'histoire aujourd'hui » en 1995 pour nous parler du règne de J. Edgar Hoover à la tête du FBI. Mon invité Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut dire, Karine Prémont, avec ce qu'on vient d'entendre en plus, que J. Edgar Hoover va être l'un des hommes les plus importants, en tout cas qui a le plus de pouvoir aux États-Unis au 20e siècle? Ça va être un de ceux qui aura le plus de pouvoir aux États-Unis au 20e siècle parce qu'il va être à la tête d'une institution qu'il va avoir à toute fin pratique créée, façonnée, rendue indispensable et aussi à qui il va avoir inculqué beaucoup de professionnalisme. C'est une institution qui va être très compétente. Alors, il va justement, de cette façon-là, s'imposer dans le paysage politique américain pendant de très longues années. Parlons de l'enfance. On va revivre ensemble ce parcours assez extraordinaire d'Hoover, mais commençons par l'enfance parce qu'elle nous fournit quand même, dans le cas de J. Edgar Hoover, des clés intéressantes pour mieux comprendre à qui on a affaire. Commençons par parler de son père. Mm-hmm. Il souffrira de troubles psychologiques toute sa vie. Et ça, ça va suivre, ça va hanter Hoover lui-même toute sa vie. Ça va hanter Hoover lui-même toute sa vie parce que il sera très rapidement le seul soutien financier de sa famille. Il va devoir s'occuper de sa mère, qui est une femme assez accaparante, assez particulière aussi à bien des égards. Et il va craindre aussi toute sa vie lui-même de développer des problèmes psychologiques. Son père va être, c'est un petit fonctionnaire à Washington. Hoover est né en Géorgie, mais il déménagera très jeune à Washington où son père va travailler. Mais il sera hospitalisé presque toute la vie de Hoover. Et donc, ça va hanter son bagage familial, mais ça va aussi façonner d'une certaine façon son travail et la façon dont il va mener sa propre vie. Il a peur lui-même de sombrer, hein, l'équilibre toujours très mince. On dit que c'est l'homme qui se lave le plus souvent les mains à Washington. Maniaque un peu lui-même. Maniaque un peu lui-même et en même temps, c'est un monomaniaque dans la mesure où la seule passion connue de sa vie, ce sera son travail, comme si le fait de se concentrer là-dessus, le fait de s'y dévouer corps et âme, justement, éloigne ou en tout cas laisse dans l'ombre les problèmes psychologiques qui peuvent éventuellement survenir en raison d'une vie personnelle compliquée. Alors, il va éliminer tout ça très rapidement. Bon, voilà pour le père. Un mot quand même, parce que ça aussi, ça teinte énormément le personnage. Un mot sur la mère d'Hoover qui est omniprésente dans sa vie. C'est un fils à maman, comme on dirait communément. C'est quelqu'un, justement, qui va être très présente dans la vie de Hoover. Il va vivre avec elle jusqu'à la mort de celle-ci, en 1938. C'est une femme qui est très rigoureuse, qui lui donne une éducation extrêmement religieuse. Vous arrêtez, Karine, mais quand même, juste pour qu'on comprenne, le directeur, le très puissant directeur du FBI, vit avec sa mère jusqu'à la mort de sa mère. C'est un homme mûr quand sa mère meurt. C'est un homme mûr à la mort de sa mère. Il a la quarantaine bien avancée. Et effectivement, ça aussi, c'est très important dans la vie de Hoover. C'est un sens du devoir, un sens de la responsabilité, un sens de la filiation et de la loyauté qui vont le suivre dans son travail. Il va exiger de ses collaborateurs les plus proches ce même genre de valeurs, ce même genre de vision, en fait, de ce que doivent être les relations personnelles. Il débute sa carrière, non pas au FBI, ça viendra un peu plus tard, mais au département de la justice. Le procureur général, le ministre de la justice à l'époque, c'est Alexander Palmer. Il aura une très, très grande influence sur Hoover. Un mot pour nous le situer, ce personnage, qui est Alexander Palmer? Palmer, c'est un anticommuniste notoire, évidemment. C'est lui qui est l'inventeur du terme péril rouge, le Red Scare. Alors, il va effectivement influencer Hoover sur cette question-là là, de façon très, très, très marquée. Et c'est aussi Palmer qui sera à l'origine de ce qu'on va surnommer les Palmer Raids, donc, autrement dit, la traque de toutes sortes de personnes là, qui sont soupçonnées d'appartenir à des groupes radicaux, que ce soit de la gauche ou des anarchistes ou de toute activité jugée subversive. Il y aura, entre novembre 1919 et janvier 1920, à peu près 500 personnes qui seront expulsées des États-Unis, justement, là, sous soupçon d'appartenir à ces groupes-là. Bon, il y avait une liste un peu plus imposante que ça, mais c'est le département du travail qui va ralentir un peu ces raids-là parce que, bon, on est opposé aux pratiques de Palmer au travail. C'est ce département-là qui est en charge des expulsions. Mais tout ça pour dire que on est vraiment à la chasse, bien avant McCarthy, on est déjà à la chasse aux subversifs aux États-Unis. Et donc, Hoover va être associé très rapidement au département de la justice à ce genre d'activité. Ouais. Et puis, ça va le suivre, cette espèce d'opposition. Mais c'est un, lui-même, Hoover, un anticommuniste farouche. Il va hériter ça de Palmer et ça va le suivre tout au cours de sa carrière. Vous parlez de cette chasse aux communistes, cette première chasse aux communistes avant celle de McCarthy à la fin des années 40. On dira même que Hoover, que le cerveau derrière Joseph McCarthy dans les belles heures du McCarthyisme, ce sera Edgar Hoover. Hoover va réussir à convaincre McCarthy, mais d'autres membres influents aussi de cette commission-là, du danger que représentent les communistes. Il va aussi réussir à leur présenter un paquet de dossiers très bien documentés, les fameuses fiches, le système de classement de Hoover va être très utile à cette période-là. Et pour faire une parenthèse, ce système de fiches, ce système de classement, ce système de dossiers mis en place par Hoover lui vient de son travail alors qu'il était étudiant. Il travaillait à temps partiel à la Bibliothèque du Congrès où tout est classé de façon extrêmement rigoureuse. Et pour les obsessifs compulsifs comme les Hoover, le classement est une chose extraordinaire. Et donc, Hoover va adopter ces techniques-là et va justement, pendant la période du McCarthyisme et ensuite tout le temps où il sera au FBI, et même quand il était au département de la justice, va très rapidement classifier les gens, classifier les choses, monter des dossiers. Et il va pouvoir présenter à McCarthy, notamment, un bon paquet d'informations sur les gens qu'il juge dangereux pour les États-Unis. Alors, revenons un petit peu derrière dans le temps et venons-en justement à ses débuts au FBI, dans quand et dans quelles circonstances fait-il son entrée au FBI? D'abord, Hoover a travaillé à une nouvelle division du renseignement au sein du département de la justice même. C'est en 1908 que le bureau d'investigation sera créé. Pas le FBI tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais un ancêtre du FBI. Donc, il va ensuite joindre ce bureau-là et il va devenir directeur adjoint et finalement le sixième directeur de ce bureau d'investigation-là en mai 1924, à l'âge très tendre de 29 ans. Il sera directeur de ce bureau-là. Il y a à peu près 650 employés à ce moment-là. Et très rapidement, Hoover va transformer ce petit bureau d'enquête pour en faire le FBI. Le FBI devient ce qu'il est en 1935. Mais pendant toutes ces années-là, Hoover va transformer complètement cette institution et en faire là, un phare de la lutte contre le crime. Il y sera, on le rappelle, 48 ans. Mais en 1932, il passe à un cheveu de perdre son poste au FBI avec l'élection de Franklin D. Roosevelt. Qu'est-ce qui se passe, Karine Prémont? Bien, il se passe qu'avec l'élection de Roosevelt, on nomme un nouveau procureur général aux États-Unis qui s'appelle Thomas Walsh. Et Hoover et Walsh ont déjà connu quelques différends dans le passé, notamment sur les façons dont on pourrait lutter contre le crime. Et Walsh a affirmé publiquement, une fois qu'il a été nommé par Roosevelt, qu'il entendait remplacer Hoover et nommer quelqu'un d'autre. Hoover va être d'une chance incroyable, si on peut dire, parce que Walsh va mourir dans le train qui le mène à Washington, qui le mène à son assermentation en mars 1933. Donc, Hoover restera en poste. Et c'est à peu près la seule occasion où il est passé près de perdre son job parce qu'il sera là, effectivement, jusqu'en 1972. Un coup du destin incroyable pour lui. Non seulement il reste en poste, donc, mais ça va très, très bien se passer avec Roosevelt. Il aura une excellente relation avec lui. Et c'est sous sa présidence, durant les années 30, que vraiment le FBI va prendre toute l'importance qu'il va prendre. Oui, parce qu'il faut dire qu'il a déjà commencé à transformer cette institution qui n'est pas encore tout à fait le FBI, notamment en établissant des critères de sélection très sévères. On recrute exclusivement des hommes blancs entre 23 et 37 ans. On leur impose un code moral, on leur impose un code vestimentaire, la cravate, le chapeau, le veston, l'espèce de figure mythique là, des government men est déjà établi. Les J-men, voilà. Il va réussir à obtenir du Congrès américain que les agents du FBI puissent porter des armes et faire des arrestations, parce qu'auparavant, c'était uniquement les policiers des États qui étaient aptes à faire des arrestations. Donc, il a déjà tout fait ça quand Roosevelt arrive, mais là, ce sont quelques lois, quelques changements qui vont lui permettre d'asseoir ce pouvoir-là, notamment la loi sur le kidnapping aux États-Unis suite à l'affaire du bébé de Charles Lindbergh, de ce kidnapping-là. Le gouvernement des États-Unis va établir le kidnapping comme étant un crime fédéral, donc automatiquement sous la gouverne du FBI. On va aussi développer au sein du FBI des techniques scientifiques très novatrices, notamment des classements toujours de plus en plus sophistiqués de l'information, mais aussi Hoover va être assez ouvert au développement technologique et scientifique comme les analyses biologiques, les analyses chimiques, par exemple, les empreintes digitales, ouais. Tout ça. L'écoute électronique, on peut l'imaginer très bien à quel point ça a dû séduire Hoover que cette pratique. Donc, très rapidement, le FBI va être à la fine pointe de la technologie, à la fine pointe des outils d'investigation, et ça va faire en sorte de lui procurer très rapidement beaucoup de succès contre les gangs organisés, parce qu'on se rappelle que c'est la période de la prohibition aussi. Donc, plusieurs arrestations massives, spectaculaires. Et donc, l'FBI va connaître son essor essentiellement et sa popularité, en fait, auprès de la population dans les années 30. Et Hoover, pareillement, parce que oui. L'FBI, c'est Hoover pour les Américains. L'FBI, c'est Hoover, exactement. Et c'est une institution qui est très autonome, qui est indépendante des pouvoirs politiques. Et donc, Hoover lui-même est à l'abri, d'une certaine façon, de ce pouvoir politique. Bon, des techniques de pointe, vous venez de nous le dire, mais cet esprit moralisateur, il est conservateur, il est très moralisateur. Vous avez parlé un petit peu de ses fiches, puis on va y revenir, mais c'est une police politique, en fait, qu'Hoover... C'est cette vision-là qu'il a, et c'est vraiment ça qu'il va déployer, une vraie police politique, où on va savoir, on va essayer d'entrer dans la tête des Américains et dans la tête des leaders américains. Oui, il va développer très rapidement au FBI un système d'espionnage interne. Il souhaite collecter de l'information sur tout le monde, parce qu'évidemment, il veut protéger ses intérêts, il veut protéger son poste. Il veut protéger aussi le FBI des desiderata politiques de différents chefs. Il veut en faire vraiment une institution indépendante. Alors, il va se mettre à collecter de l'information. Évidemment, là, on est dans le potin. La plupart du temps, on n'a pas nécessairement des informations toujours extrêmement spectaculaires, mais Hoover va ramasser des histoires sur les adultères, sur les dettes de jeu, sur l'homosexualité de certains, sur les goûts pour l'alcool, les drogues et la prostitution de certaines personnes. Alors, on va ficher comme ça plus de 400 000 Américains aux États-Unis sous l'ère Hoover pour différentes raisons. Même la femme du président, Eleanor Roosevelt, va être mise sous écoute. Même la femme du président, Eleanor Roosevelt, sera mise sur écoute parce que on la soupçonne d'avoir des amours avec des femmes et on va se servir un peu de ça pour tenir Roosevelt, le président Roosevelt, un peu sous sa main, parce que l'histoire avec Thomas Walsh avait effrayé Hoover. Alors on s'est dit, je vais me doter de politique, de garantie pour ne pas que ça se produise encore. Et ça, cette idée que ces dossiers secrets sur les politiciens lui servent à se maintenir en poste, cette idée-là sera persistante tout au cours de sa vie. On écoute à ce sujet, à nouveau, celui qu'on entendait au tout début de l'émission, l'historien André Caspi, à l'émission L'Histoire aujourd'hui en 1995. La grande force de Hoover, c'est précisément d'avoir des fichiers. c'est-à-dire de savoir ce que font, ce que pensent, ce que pourraient produire des milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'Américains, donc de pouvoir suivre leurs allées et venues de telle façon qu'on les contrôle. Et parmi ces Américains, il y a des personnalités de tout premier plan. Par exemple, en 1940-1941, John Kennedy est amoureux d'une jeune Danoise, plus âgée que lui d'ailleurs, qui vient d'arriver aux États-Unis, qui s'appelle Inga Arvad, et qui a été assez bien introduite auprès des milieux hitlériens. Donc Hoover fait son travail. Et il enregistre tous les ébats amoureux entre John Kennedy et Inga Arvad. Alors, plus tard, les deux jeunes gens sont séparés, presque de force. Non pas par Hoover, mais par le père de Kennedy. Et au lendemain de la guerre, lorsque John Kennedy entre en politique, Hoover a son dossier. Alors, ça veut dire qu'il détient comme cela des dossiers. Et du fait qu'il détient ces dossiers, il peut exercer une pression. C'est ça la force de Hoover. Dans les faits, Karine Prémont, quelle exploitation va faire Hoover de ces fameux dossiers secrets et dans quelle mesure il va s'en servir pour rester en poste? Effectivement, il s'en sert quand il sent que la soupe est un peu chaude, quand il sent que les nouvelles personnes en place à la Maison-Blanche ou au Congrès commencent à poser des questions, quand on essaie d'avoir des comptes de sa part aussi, parce qu'on se rappelle qu'il dispose de moyens colossaux pour appliquer la loi aux États-Unis. Il est en quelque sorte chargé de la loi et l'ordre sur le territoire américain. Donc, on a peur de temps en temps qu'il suive des croisades personnelles. On a peur qu'il abuse de ses fonctions. Et en fait, il le fera à plusieurs occasions. Donc, Hoover craint souvent de perdre son emploi, de se voir évincé. Alors, c'est dans cette optique-là qu'on va utiliser les dossiers. Évidemment, ce n'est pas la seule raison qui lui permet de conserver son emploi parce que, on le dit à plusieurs reprises, il a réussi à mettre en place une organisation extraordinaire, très compétente. Hoover est un héros pour les Américains. Cette institution-là est une image de probité, d'honnêteté, de transparence, d'intégrité extraordinaire et très efficace, très compétente. Alors, c'est pas la seule raison qu'il maintient en place. Il est aussi très bon dans ce qu'il fait. Il fallait les deux éléments combinés, mais ça le sert. Ça, c'est certain, ces dossiers secrets. Dans ce que vient de nous dire André Caspi, on parlait justement déjà d'un dossier secret sur John Kennedy, cette liaison avec cette Danoise. Ça nous permet d'entrer dans ce difficile dossier des relations entre Hoover et les Kennedy. C'est un homme conservateur, je le répète, moralisateur, un homme de droite. Il est raciste, il est misogyne. Ces mœurs légères des frères Kennedy, ça l'exaspère, Karine Prémont. Ça l'exaspère et il a évidemment toujours à l'esprit les comportements de John Kennedy. Il a aussi découvert plusieurs autres des relations de Kennedy, notamment avec la maîtresse d'un chef mafieux. Donc, il a beaucoup d'éléments contre les Kennedy. Et c'est toujours un peu particulier avec les Kennedy parce que Hoover est un ami du père, est un ami de Joe Kennedy. Et Joe Kennedy était lui-même proche de la mafia. Alors, quand Bobby Kennedy arrive et demande à Hoover d'enquêter sur la mafia, de déployer plus d'efforts et de ressources à ça, ben en fait, il va voir John Kennedy, il lui balance un peu ça au visage en lui disant, mais n'oubliez pas que vous avez été élu en bonne partie en raison du soutien de la mafia. Alors, donc, si je m'attaque à la mafia, je m'attaque à votre élection, à votre père Joe Kennedy, à votre élection John Kennedy. Exactement. Et en même temps, je sais suffisamment de choses sur vous pour, au passage, vous égratigner et remettre en question votre propre honnêteté, votre propre sens de l'éthique. Alors, tout ça faisait en sorte que les relations étaient extrêmement tendues. Et Bobby Kennedy était aussi devenu l'intermédiaire entre le président et Hoover. Le président Hoover sous Kennedy ne pouvait plus communiquer directement avec le président. Et ça, pour Hoover, c'était une claque au visage, c'était une gifle incroyable, un manque de respect. Et il l'a difficilement accepté. Sur la mafia, par ailleurs, parce que c'est un des deux grands mystères autour de Hoover, pourquoi est-il si laxiste par rapport à la mafia? Bien, il faut se rappeler que dans les années 50-60, la mafia est profondément anticastriste. On se rappelle que la mafia est associée dans à peu près la moitié des théories du complot dans l'assassinat de Kennedy, concernant l'assassinat de Kennedy. Et Hoover détestait les communistes par-dessus tout. Alors, tous les ennemis du communisme étaient ses amis d'une certaine façon. Et pour lui, le crime organisé n'était pas ce qui menaçait fondamentalement les États-Unis d'Amérique. Il faut se rappeler, vous l'avez dit, à quel point Hoover était conservateur. conservateur, était moraliste. Et pour lui, la mafia, c'est une organisation qui respecte des règles, qui a un code d'honneur. Il valait mieux s'en prendre aux bandits qui menaçaient de façon claire l'ordre politique aux États-Unis, c'est-à-dire les communistes. L'autre grand mystère autour de Hoover touche sa vie privée, son orientation sexuelle carrément. Qu'est-ce qu'on sait à ce sujet? Très peu de choses. Ce qu'on sait, on se rend compte que ce sont des choses qu'on a vues à la télé, dans les films ou qu'on a lues dans les livres. Il n'y a pas de documents ou de preuves formelles qui permettent d'affirmer ou d'infirmer certaines des rumeurs, notamment au sujet de son homosexualité ou de son goût pour le travestisme. On a beaucoup parlé du fait qu'il aimait s'habiller en femme. On n'a pas beaucoup d'informations là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il partageait à peu près tout son temps libre, tous ses loisirs, tous ses repas, tous ses voyages avec le numéro 2 du FBI, Clyde Tolson. Hoover dit que c'est son alter ego. D'autres suggèrent que c'est son amant. En fait, Tolson va hériter des propriétés de Hoover à la mort de celui-ci. Mm-hmm. Va également être celui à qui on va remettre le drapeau américain suite aux funérailles nationales de Hoover. Et puisqu'il est numéro 2 du FBI, il va aussi en assurer l'intérim, mais il démissionnera peu après. Quand on interview les gens qui le connaissent, on se rend compte que, pour certains, ben, la sexualité fait tellement peur à Hoover, en fait, qu'il ne peut qu'entretenir des relations que platonique avec les gens, que ce soit des hommes ou des femmes. Ouais. Il a aussi eu il s'est affiché à tout le moins avec des femmes plusieurs fois dans sa vie, dans des activités mondaines, etc. On pensait qu'il épouserait la mère de Ginger Rogers à un certain moment, mais tout ça ne s'est jamais concrétisé. Il a passé beaucoup de temps avec sa mère et ensuite à son travail. Donc flou, toujours. Certains flous artistiques autour de ça. Quand la moralité décline et que les braves gens ne font rien, le mal prospère. Une société qui refuse de tirer les leçons du passé est condamnée. Nous ne devons jamais oublier notre histoire. Nous ne devons jamais baisser notre garde. Edgar, tu vas devenir l'homme le plus puissant de ce pays. Extrait de la bande-annonce du film J. Edgar, réalisé par Clint Eastwood en 2011. Ça nous permet, pour terminer cette émission, Karine Prémont, de voir un peu ce qui reste d'Hoover dans la mémoire, dans l'histoire américaine. Comment il est perçu, comment on perçoit aujourd'hui son héritage? C'est un portrait un peu double, c'est-à-dire qu'il y a d'une part un personnage avec un égo démesuré qui aimait se mettre en scène, qui aimait mettre son institution à l'avant-plan également, qui aimait jouer de ses relations au nom de la moralité américaine. Mais c'est aussi quelqu'un qui a pu transformer le FBI en une institution, on l'a dit, compétente, scientifique et efficace. Le nombre d'agents du FBI est passé en fait de 890 à 10 000 sous sa gouverne. Aujourd'hui, on parle de 35 000 agents. Hoover a été un héros américain, en fait, à une période très trouble de l'histoire du pays. Il a traversé les crises économiques, il a traversé les guerres, la période du communisme, les revendications pour les droits civiques. Mm-hmm. Alors, il était là à une période d'ébullition extraordinaire aux États-Unis. Il représentait ce calme, il représentait la loi et l'ordre, il représentait le cadre moral américain. Et c'est de ça dont les gens se souviennent. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Merci beaucoup, Karine. Merci. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, les recherchistes Caroline Morin et André Martineau, stagiaires à la recherche Antoine Gauthier-Trépanier, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Martin Lavoie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.